pour moi. Assez boy pour ni ma kef, ici les validis. Sorel bolo kada kamere sarama sayo jeli deni nduwaiko.